Chapitre 2. L'auberge du crocodile. L'hôtelier était un homme de moyenne taille, moitié espagnol et moitié sarrasin, gras de torse, maigre de jambes, la peau olive et les yeux gris. Il s'était acquis une grande notoriété dans le pays par sa manière d'assaisonner les pieds de veau au safran et par son adresse à donner des coups de couteau au bon endroit. Il faisait commerce de tout et regrettait fort de n'avoir pas hérité de quelque religion qu'il eût pu abjurer à prix débattu, soit avec les sarrasins, soit avec les catholiques. Au demeurant, un homme fort accommodant, pourvu qu'on eût l'escarcelle jaseuse, et je croirais avoir parachevé son portrait en vous disant que c'était le plus grand bandit que porta la terre espagnole de Pontevedra à Gérone. Ali Pépé vint ouvrir. On oublie toujours quelque chose. J'avais négligé de vous dire qu'il s'appelait Ali Pépé. L'hôtesse ? Demanda Les Grignac en frisant sa moustache. Ali ! Bâilla Porrentruy. À souper ! Hurla mon rognon. Maragougna ne demanda rien. Il était absorbé par la contemplation de l'hôtellerie et l'inventaire qu'il en faisait était loin de le satisfaire. Ali Pépé demeurait sur la défensive, obstruant l'entrée de la fonda. « Vos seigneuries paraissent de trop noble race pour que je ne les prévienne pas qu'elles seront logées ici d'une façon tout à fait indigne d'elles. Voilà de la franchise et du désintéressement. » Et où pourrions-nous trouver un meilleur gîte? Mon hôtel est le seul et le meilleur de tout le pays. Alors, livre-nous passage, dit Montrognon en prenant Ali Pépé par la ceinture et en le portant à bras tendus dans la cuisine. Nous serons mieux là pour causer. Maragougna entra le dernier. Il fit jouer les serrures pour s'assurer que les portes fermaient bien. Il examina toutes les issues, fit sonner le plancher et donna seulement alors à son valet l'ordre de lui apporter ses armes. « Il nous faut 4 lits, dit Porrentruy. « Dans la même chambre, ajouta vivement Maragougna qui craignait la solitude. « Il nous faut d'abord à souper, vociféra Montrognon. « N'oublions pas, je vous prie, le plus important. » « Un souper frugal, aventura Maragougna qui craignait la dépense. « Frugal, vociféra le sire de Bourglastic. « Ne fais pas une chose pareille, l'hôte, où je brûle ta bicoque. « Dépeuple ta basse-cour, vide tes viviers. « Décoiffe les flacons, égorge, épluche et ventre, débouche. « Et prépare-nous un repas de roi ou de sultan à ton gré. « Vous me servirez à part. » Larmoya le comte de Riom, des raves et votre vin le meilleur. Marchez, ajouta obligeamment Les Grignac en riant. Puis-je savoir qui j'ai la gloire de servir? Dit Ali Pépé en faisant une révérence si respectueuse que Maragougna la remarqua avec terreur, craignant de l'avoir comprise dans la dépense. Rien n'est plus aisé, répondit Les Grignac en rendant à Ali Pépé son salut. « Ce gros que tu vois là-bas est le pourvoyeur de Charlemagne et de toutes les bouches couronnées de la Grande Arménie à la Lusitanie et de la Scandinavie à la Tripolitanie. Il va de contrée en contrée, cherchant des mets nouveaux pour en réjouir les tables souveraines. Son discours sur la rôtisserie est encore dans toutes les bouches. Il y a démontré que le bœuf doit quitter la broche, ayant le cœur rouge et saisi. Le mouton la doit fuir lorsqu'il a le cœur rosé. Le veau ne la doit abandonner que lorsqu'il a le cœur entièrement blanc. Cet homme, qui te paraît si simple, a découvert que la soif augmente dans les courants d'air, que les scythes avaient l'estomac moins large d'un pouce que les teutons. Mais en revanche, plus profond de cette ligne que les cimériens. Le premier, il a cuit la carpe à l'eau de rose. Et dernièrement encore, après d'arides recherches, il a retrouvé dans un manuscrit la recette du garum, si cher aux anciens, et que l'on croyait perdue. Il m'a confié ce secret, Je te le livre dans l'espoir que la reconnaissance te poussera à nous faire mieux souper. Apprends, profane, que pour confectionner cet assaisonnement de haut goût, il convient de laisser fermenter la chair du scombre femelle avec des champignons pendant 17 nuits au clair de lune. Les entrailles en étant extraites avec soin, il faut les triturer, macérer et piler religieusement dans un morceau de soie rose. Rose, entends-tu bien? On recueille le jus qui en sort dans un vase d'argent par un temps clair ou orageux. On le laisse reposer pendant 3 semaines et 7 heures, après l'avoir mélangé avec une préparation dont j'ai perdu le secret, et qui lui donne tout son prix. Tu vois à qui tu as affaire. Fais en sorte que le repas soit digne du grand homme et de nous. Ali Pépé s'inclina. Cet autre qui ronfle là-bas voyage dans l'espérance d'apporter quelque amélioration aux couchettes royales. Nul ne connaît mieux que lui le savant agencement des courtes pointes, du chèvre-ciel, des carrioses et des gouttières de lit. Son traité comparatif, intitulé « Lectus cubilaris, lucubratorius et mortualis, genialis et descubitorius », a été transcrit sur parchemin par les religieux du Mont Cassin. À lui l'honneur d'avoir remplacé la balle de maïs par le duvet qu'il rapporta de la terre des Cimbres et d'avoir ajouté un second matelas au lit de nos rois qui ne se composait que d'une couste, d'un coussin et d'un faisceau de feur. Tu vois qu'il te faudra soigner notre coucher. Ali Pépé fit une nouvelle courbette. Je n'aime pas à parler de moi, continua Ali Grignac. Cependant, je cède à tes instances en te disant qui je suis. Tu n'es pas sans avoir entendu parler du fameux géant Alcomiro-Ziropulo-Pilucitouni-Tapignac. L'hôtelier regarda le comte de Salençon de travers, puis résigné, il fit un signe affirmatif. C'était ma mère, reprit Ali Grignac. Elle mourut après 16 ans d'heureuse union, assassinée par mon malheureux père qui n'avait jamais cessé de la rouer de coups. Dégoûtée du mariage à juste titre, elle résolut de se vouer au célibat. 10 mois après, je vins au monde et choisis le métier des armes. Ma fortune, ma haute naissance, tout me disait que je ne pouvais rien devoir qu'à ma valeur. Je pris bravement mon parti et franchis les Alpes, décidé à venger mon père. Je mis le siège devant Toulouse. Te dirai-je mes malheurs? Ne me les dites pas, Seigneur. Les détails que vous venez de me donner me suffisent et disent assez à qui j'ai affaire. Je ne vous demanderai même pas quel est ce 4e chevalier. Ce sot le pleureur. Je suis un pauvre diable errant, en quête de la fortune, s'écria précipitamment Maragugna. Mes goûts sont modestes comme ma bourse, je sais me contenter de peu. Je sers chacun suivant ses goûts et ses moyens, dit Ali Pépé. Vous m'avez, mes seigneurs, demandé bien des choses, je vais vous détailler mes ressources. Je n'ai qu'une chambre et qu'un lit. Je les prends, dit Porrentruy. Pour rien dans le monde je ne passerai cette nuit à la Belle Étoile. Je ne me remettrai en route que demain, si cependant l'un de vous désire partager avec moi. Merci, je partirai dans 1 heure, dit Maragugna. Et il s'en alla trouver son écuyer pour lui recommander de ne rien donner aux chevaux. Ils trouveront de l'herbe sur la route, ajouta-t-il. Quant à moi, je t'abandonne la chambre de grand cœur, reprit Montrognon. Je prétends passer la nuit à table. Je me mettrai en route au petit jour. Et je te tiendrai compagnie jusque-là. Nous avons du reste quelques flacons et une vieille querelle à vider, dit Ali Grignac au sire de Bourglastic. Tu prétends me rendre 3 fioles sur 10. Je te parie qu'à la 9e bouteille, tu roules sous la table. Je me sens d'humeur à te tenir tête aujourd'hui. Un sourire de mépris fut la réponse de Montrognon. Puis, se tournant vers l'hôtelier, « Quel potage te crois-tu capable de nous faire ? Votre seigneurie s'accommoderait-elle d'une soupe aux grenades ? Fais-moi voir tes grenades. » Ali Pépé courut à la cave et en revint avec un plein panier de fruits. Mon rognon en choisit une douzaine. « N'oublie pas de servir ton potage tiède et ajoute-y quelques tranches d'orange. Après ?»« Si votre seigneurie voulait s'en rapporter à moi, elle n'aurait pas à s'en plaindre. J'ai été prime queue du roi de Mésopotamie pendant 10 ans et sa majesté m'a fait dire, il y a 8 jours encore, qu'elle ne mangeait plus rien avec plaisir depuis mon départ. Je proposerai la soupe aux grenades et la soupe aux gruaux, bain d'ortolan. Comme entremets, les pieds de veau au safran, les rouelles et dintiers de daguet en menu droit. Ensuite, le poulet farci à la madame râpée, le hérant du lac d'Ambonne cerné de gélinotte, le marcassin rôti accompagné de sa sauce cameline. J'aimerais assez un quartier de baleine sur un lit de jaune d'œuf, ajouta négligemment Allégrignac. J'en avais ce matin encore, mais on est venu prendre le dernier quartier pour le roi Marsille. Vous remplacerez cela par un paon en belle vue, vous le farcirez de marron et de safran, et ajouterez une garniture de fenouil roulée dans le sucre. J'offrirai en outre à vos seigneuries les dorades au jus d'orange et les murènes à l'iris. Est-ce tout ? Oui, seigneur, c'est là un menu simple, mais de choix. « Par la Pâque !» s'écria mon rognon. « Vous voulez donc nous faire mourir de faim, monsieur le prime-queue du roi de Mésopotamie ? Renforcez-moi ce dîner de nonains de quelques civets de biche, quartier de lièvre au gros sel, choux en compote, purée de figues barbaresques à la sardanapale, entrailles de porc dorées au vin odoriférant et côtes de bœuf au miel. Courez à vos fourneaux. Et si nous avons besoin de quelque autre chose, nous vous appellerons. » Ali Pépé salua et s'apprêta à sortir. « Un mot encore, » ajouta Allégrignac. « N'oublie pas que le rôti s'apporte sur la broche, et surtout, soigne les vins. Ne crains pas de monter trop de flacons. » « En vous en allant, l'hôte, » dit Porrentruy, « vous me montrerez ma chambre. Je vous dis adieu, Allégrignac. » Votre main, mon rognon, bonne chance, Maragougna. Je dormirai sans doute encore lorsque vous vous mettrez en route. Puissiez-vous réussir et rapporter à l'empereur ce qu'il vous demande. Trop heureux si nous rapportons notre peau, soupira le comte de Riom en se disposant à partir. Dans le chapitre suivant, vous verrez, mes enfants, comment les 4 chevaliers s'y prirent pour satisfaire Charlemagne.